Chapitre 8e. L'ami d'un amant. Sur la route, qui depuis les dernières pluies d'hiver n'avait pas eu le temps encore ni de sécher ni de durcir, il marchait à grands pas. L'air était tiède, le soleil radieux, c'était le printemps. Parmi les herbes tendres des fossés, violettes et fraisiers commençaient à fleurir. Les lilas laissaient pendre leurs tirses rougissant par-dessus les murs des jardins, et les ramenelles faisaient de leurs pétales, qui déjà se détachaient, une épaisse jonchée tout le long des trottoirs. Les bourgeons dans les bois se gonflaient et crevaient de sève, les bouleaux balançaient leurs chevelures déliées, les chèvrefeuilles festonnaient de verdure les tiges qu'ils pouvaient enlacer. De toutes les plantes, depuis l'arbre jusqu'à la mousse, s'exhalait une senteur fortifiante. Les oiseaux chantaient. Au loin, dans les jeunes ventes, le coucou, à des intervalles rapprochés, répétait son cri railleur. Eux, cependant, ils marchaient toujours sans s'arrêter et sans parler. Pruniers, pêchers, cerisiers neigeaient sur leurs têtes des tourbillons de fleurs parfumées. La plaine résonnait de mille bruits. Les seigles et les blés, déjà longs, se couchaient et se relevaient sous le vent. Les sillons de trèfle s'étalaient ondoyants. Sur la terre, que la charrue et la herse retournaient et émiettaient, les laboureurs faisaient leur dernière semaille. Ces joyeux tableaux qui, sans interruption, se succédaient sur la route, ne parvenaient ni à retarder Maurice, ni à le distraire. « Forçons le pas, » disait-il souvent. En se hâtant ainsi, il croyait revoir bientôt Marguerite, car des paroles les plus graves, des raisonnements les plus solides de Martel, c'était cette espérance, mise en avant comme moyen désespéré, qui, après réflexion, lui avait laissé l'impression la plus durable. Cette idée de la retrouver avait pris dans son cerveau malade une indestructible solidité. Ce qu'il lui dirait, il ne l'imaginait guère. Ce qu'il apprendrait, il ne le prévoyait pas trop bien. Mais cependant, il voulait la voir, lui parler, l'entendre, la voir enfin. Qui sait peut-être, le regrettait-elle déjà ? Martel avait été rue de Varennes. Il avait interrogé le concierge et il avait eu une réponse parfaitement claire et précise. Mais loin de transmettre cette réponse à Maurice, il lui avait rapporté que Marguerite était partie pour visiter ses domaines de Machaut, en Sologne, et de Fauriac, en Auvergne, sans qu'on pût préciser par lequel elle avait dû commencer. Maurice avait voulu se mettre en route. Martel était encore intervenu. Il avait représenté que 2 ou 3 jours de retard permettraient de se préparer, que le temps était beau, que le voyage pouvait se faire à pied, et que cela lui donnerait occasion de visiter les plaines de la Beauce qu'il avait besoin de revoir. Maurice avait discuté et disputé. Enfin, il avait fini par céder, et il avait été décidé qu'on partirait le sac sur le dos. Et quand les derniers achats avaient été terminés, par la barrière d'enfer, d'un pas rapide, ils étaient partis. Le matin, jusqu'à l'abri d'une haie ou sur un tas de cailloux, on s'asseyait pour déjeuner sans rien dire. Maurice prenait son pain en mangeant à petites dents 2 ou 3 bouchées, et machinalement, l'œil fixe et ne regardant pas, il jetait le reste à Badeau, le chien de Martel. Quand la Loire fut passée et qu'ils traversèrent les plaines plates et incultes qui commencent la Sologne, Maurice ne fut plus maître d'observer la contrainte que par un reste de dignité il avait voulu s'imposer. Un à un, il comptait tous les kilomètres. « Encore 50, encore 30, » disait-il. Il se faisait répéter par Martel les paroles du concierge de la rue de Varennes. Martel, pour le préparer à une déception qu'il savait certaine, lui répétait à satiété qu'il y avait autant de chances pour Fauriac que pour Machaut, et qu'elle pouvait tout aussi bien avoir commencé par l'Auvergne que par la Sologne. À force de marcher, ils approchèrent, et au bout d'une route droite et plane qui coupait à travers des sables arides, ils aperçurent juste en face d'eux un petit clocher à l'horizon, c'était Machaut. Ils arrivèrent. Entre des bouquets d'ormes tout couverts de petites fleurs roses serrées et massées comme des feuilles, s'élevait une maison carrée bâtie dans le style Louis XIV, avec un perron et des colonnes lourdes et solides. Une pelouse, sans une seule corbeille d'arbustes, s'étalait tout autour et allait finir d'un côté au taillis d'un parc, de l'autre aux premières maisons du village. « Maintenant, » dit Martel, « que veux-tu faire ? Aller jusqu'au village, prendre une chambre à l'auberge, m'habiller et revenir ici. Que lui veux-tu enfin ? Qu'as-tu à lui dire ? Qu'a-t-elle à te répondre ? Voilà, justement, qu'a-t-elle à me répondre ? C'est ce que je veux savoir, et c'est ce que je saurai. » Ils traversèrent le village. Derrière des nuages rouges nuancés de jaune, le soleil se couchait. Par groupes de 2 ou 3, les paysans rentraient de la plaine. Les bœufs se dandinaient lentement en meuglant, et sur le seuil des portes les femmes causaient accroupies, leurs enfants dans les bras. Sur la place du marché, à l'enseigne du Soleil d'Or, ils trouvèrent une auberge. « Avant tout, dit Martel, sachons si elle est ici. » On interrogea l'aubergiste. Naturellement, la réponse fut négative. Maurice insista, recommença sa demande, l'expliqua, la rendit claire, précise. Ce fut en vain. Ni Madame de Fargis, ni Monsieur de Lannilis n'étaient au pays. Maurice fut atterré, puis, après quelques instants, il eut l'air de se rendre, et Martel se félicitait déjà de sa ruse, lorsque, voulant se mettre à table et le cherchant pour souper, il ne le trouva plus. Pendant une heure, il l'attendit, s'accusant lui-même de sottise et d'imprudence. Enfin, comme il allait courir à sa recherche, il le vit revenir, le visage en feu, les yeux étincelants. « J'en viens. J'ai fait parler le jardinier. Elle n'y est point et on ne l'attend point. Nous partirons demain pour Fauriac. » Le lendemain, ils ne partirent pas. Pendant la nuit, Maurice fut pris de délire. Martel s'approcha de son lit et le vit la face fortement colorée. Il parlait à mi-voix et gesticulait vivement. Ses paroles étaient rapides, brèves, incohérentes. Le nom de Marguerite y revenait à chaque instant. Il le prononçait tantôt avec prière, tantôt avec amour, tantôt avec fureur. Il s'exaltait, il s'exaspérait, il s'asseyait sur son lit, il voulait se lever, partir pour Fauriac, il parlait, parlait sans cesse. Quand le jour parut, Martel, qui avait épuisé ses raisonnements et ses connaissances médicales pour calmer Maurice, descendit demander s'il y avait un médecin dans le pays. « Il y a M. Papigny, » dit l'aubergiste. On l'alla chercher. Il vint 4 heures après, exhalant le vin blanc à pleine bouche. Habitué au miasme de la Sologne, y ramenant toutes les maladies, il écouta à peine Martel, examina Maurice d'un air entendu, tira de sa poche un énorme couteau à plusieurs lames, ouvrit une lancette, et comme un homme sûr de lui et voulant montrer son savoir et sa dextérité, il piqua rapidement le bras de Maurice qu'il avait découvert jusqu'à l'épaule. « Là, » dit-il quand il eut empli de sang la moitié d'une cuvette, « une bonne saignée et quelques pilules de quinine. Après que l'accès sera passé, nous couperons la fièvre. Ça ne manque jamais son effet. Je reviendrai demain. » Pendant 14 jours, malgré les saignées et le sulfate de quinine, malgré même le soin et le dévouement de Martel, Maurice resta dans un état d'exaltation extraordinaire. Parfois, le bruit le plus léger lui répondait dans la tête avec des élancements atroces. Il entendait des tambours, des tintements de cloches, des canons, des explosions qui le soulevaient comme des décharges électriques. Il lui semblait que ses artères battaient comme un métronome. Puis, tout à coup, Louis cessait d'être douloureuse, et il fallait parler à haute voix pour qu'il l'entendît. Alors, le plus petit rayon de soleil, la moindre lueur, lui faisait pousser des cris déchirants. Les yeux étaient rouges, couverts d'un lacis de veines gonflées de sang. Les prunelles étaient dilatées et phosphorescentes. Il se roulait sur son lit, il s'enfonçait la tête dans les oreillers pour échapper à la clarté qui le brûlait. Il voyait des étincelles, des éclairs, des torrents de lave qui le dévoraient. Et toujours, il répétait le nom de Marguerite, il parlait de Montmorency, de Fontainebleau, de Naples. Il rappelait en paroles ardentes ses souvenirs d'amour ou de volupté. Il croyait la voir, il lui tendait la main, il lui parlait, il voulait se lever pour la prendre dans ses bras. Si Martel tentait de l'arrêter, il devenait furieux. Il se débattait, il leur poussait, il rugissait, il écumait. Puis, anéanti, épuisé, il retombait sur sa couche. Alors il restait des heures entières dans le marasme. D'une voix faible, il disait ne plus souffrir. Mais son regard était mort, sa bouche entr'ouverte, sa langue pendante. Il n'avait plus conscience ni de ses sensations ni de ses perceptions. Il restait ainsi dans une prostration absolue jusqu'à ce qu'une nouvelle crise vînt le ressaisir. La violence des accès diminua peu à peu, les intervalles de raison devinrent de plus en plus longs, l'inflammation tomba et le délire se changea en hallucination presque calme. Alors, M. Papigny commençait à perdre la tête et avait plus d'une fois avoué n'y rien comprendre et parlé de folie et de tétanos, déclara naïvement qu'il avait sauvé son malade. Le lendemain, Maurice put prendre un bouillon. 8 jours après, il descendit dans le jardin de l'auberge. Sa première parole sensée fut pour Marguerite. « Dépêchons-nous de me guérir tout à fait, » dit-il, « pour courir à Fauriac. » Dans ce but, il s'excita lui-même à sortir. Mais vraiment, c'était pitié de le voir se traîner au bras de Martel. Pâle, décharné, les pommettes saillantes, les yeux caves, il marchait lentement le long des maisons à l'abri du soleil. Leur promenade était le parc du château. Pendant les longs jours qu'il était resté au lit, le printemps avait accompli son œuvre. Tous les arbres, hormis les chênes bourgeonnants, avaient maintenant leurs feuilles. Un grand nombre avaient déjà leurs fleurs. Les bois étaient pleins d'une odeur vivifiante. Sur l'herbe épaisse et douce, il s'asseyait de place en place. Mais ni le riant spectacle qu'il avait sous les yeux, ni les excitations de la nature ne pouvaient vaincre son abattement. Et pendant des heures entières, il demeurait morne, sans daigner voir les caprices de la lumière dans le feuillage encore tout plissé, sans écouter les chansons des oiseaux qui, sur sa tête, parlaient d'amour. Ses forces revinrent. Il put faire des courses plus longues. Alors il recommença à presser le départ. Tant que cela fut possible, Martel résista. Mais lorsqu'il vit des marques d'impatience et de colère, il résolut d'aborder franchement la question. Car d'aller à Fauriac pour éprouver une déception comme celle de Machaut, c'en était assez pour tuer Maurice. Ne point y aller et lui dire ce que lui, Martel, avait appris rue de Varennes, c'était risquer une entrevue qui, pour un des amants, sinon pour les deux, aurait les plus funestes conséquences. Il fallait donc lui avouer qu'il avait été trompé, et en même temps le tromper de nouveau, en lui enlevant toute espérance de retrouver Marguerite. Un jour que Maurice insistait pour partir, plus vivement qu'il ne l'avait encore fait, « Écoute-moi, dit-il, je t'en prie, avec le plus de calme et le plus de raison que tu pourras. Si tu ne veux pas venir à Fauriac, je pars seul. Au moins, écoute-moi. Quand, la nuit où tu voulais mourir, je te parlais de revoir Madame Bodistel, c'était une idée insensée et irréalisable. Précisément, ce fut la seule qui te décida à essayer encore de la vie. Elle t'envahit et t'absorba tout entier. Et alors, dans ton ardeur à la retrouver, tu m'envoyas rue de Varennes. Tu n'y es point allé ? Si, mais je ne t'ai point rapporté ce que j'avais appris. Qu'avais-tu appris ? Je n'avais rien appris, car ni le concierge ni les domestiques que j'ai interrogés ne savaient pour quel pays Madame Bodistel était partie. On ne quitte pas sa maison sans dire où l'on va. Si tu pouvais raisonner un peu, tu verras que cela est très possible et même très vraisemblable. Elle te fuyait, n'est-ce pas ? Eh bien, devait-elle te laisser son adresse ? Savait-elle comment tu prendrais cet abandon si tu ne voudrais pas te venger ? Ne te joue pas de moi. Mais elle est à Fauriac, n'est-ce pas ? Je t'assure que je n'en sais rien. Elle est peut-être à l'Anilis. Enfin, elle est quelque part. Elle doit être à l'Anilis. Elle n'aura pas été précisément choisir ton pays. Décidément, où est-elle ? Je n'en sais rien. Maurice resta un moment atterré, puis il fondit en larmes. En le voyant ainsi, Martel se rassura presque. Il aimait mieux un accès de faiblesse qu'un excès de résolution. Et il craignait moins les accablements du chagrin que les violences du désespoir. Ce fut donc à lutter contre ce chagrin qu'il employa son intelligence et son dévouement. Son premier soin fut de quitter Machaut où toute chose parlait encore trop souvent de Marguerite. Et ils revinrent sur leurs pas, mais à Orléans, laissant à droite la route de Paris, ils prirent celle de Chartres et d'Évreux. Ils allaient lentement. Souvent, ils s'arrêtaient. Martel, pour user la douleur de Maurice en la fatiguant, faisait chaque jour l'étape un peu plus longue. Sans se plaindre, sans même s'en apercevoir, Maurice le suivait, marchant lorsqu'il marchait, s'arrêtant lorsqu'il s'arrêtait, indifférent à toute chose, sans que rien pût distraire cette tristesse qui se complaisait en elle-même, ni les accidents du chemin, ni l'imprévu du voyage, ni les efforts, ni les excitations de Martel. Tout ce qu'il était possible de faire, celui-ci le faisait. D'un caractère gai, il avait, pendant les premiers jours, marché sans prononcer un seul mot, puis, par des paroles douces et affectueuses, il avait cherché à vaincre cette immuable apathie. Puis, les jours s'écoulant sans amener de résultats, il avait changé de système et était revenu à son caractère. Maurice ne répondait rien, ou les quelques paroles qu'il prononçait du bout des lèvres étaient des rebuffades, des récriminations, des plaintes. Toujours il en revenait à ses idées de délivrance et de suicide. Cependant, comme il ne pouvait pas fermer ses oreilles à ce flot de paroles joyeuses, malgré lui il les écouta, malgré lui elles l'empêchèrent d'entendre ses propres plaintes, bientôt elles lui furent nécessaires, et bientôt aussi il fut forcé d'en rire. Et alors, il commença à voir et à sentir ce qui l'entourait. Pendant les repos, quand Martel, dans un chemin creux entre deux levées de terre, faisait un croquis, il ne resta plus toujours inattentif. Parfois il se pencha par-dessus son épaule et il le regarda. Pendant les longues marches, il n'alla plus toujours la tête baissée, quelquefois il parla, souvent il répondit. Bientôt même, de plainte en plainte, il se mit à raconter ses amours. Et à se reporter dans le passé, il trouva des charmes inespérés. à s'entretenir de ses joies, il lui sembla qu'il les goûtait encore. Les douleurs des mauvais jours s'affaiblirent à être racontées, et comme le soleil qui, longtemps après qu'il a disparu, laisse encore au ciel des rayons pleins de chaleur et de lumière, les souvenirs des jours heureux laissèrent aussi dans sa mémoire des traces lumineuses. Avec patience, Martel écoutait ses épanchements. Loin de vouloir les tarir, il cherchait au contraire à les provoquer. Il les nourrissait, il les prolongeait, mais toujours sans laisser échapper une seule parole d'espérance ou de consolation. Car il connaissait les susceptibilités de la douleur et savait comme elle tient superbement à se croire éternelle. « Qu'aurais-tu donc à apprendre ? » disait-il quand Maurice revenait à sa pensée de retrouver Marguerite. « Que lui demanderais-tu ? Que saurais-tu ? Au moins je saurais où elle est, ce qu'elle fait, je la verrai. Près de son mari ? Ou près d'un nouvel amant, peut-être ? Ne dis pas cela. Eh, mon ami, ta douleur est sainte et je la respecte. Mais veux-tu par hasard que je respecte aussi Madame Baudistel ? Que tu l'aimes, je le comprends. Que tu l'estimes et que tu la défendes, ce serait trop. Que lui dois-tu ? Que t'a-t-elle donné ? Elle t'a pris parce qu'elle t'a vu plein d'amour. Tu lui promettais une nouvelle jeunesse, et quand elle a eu épuisé ce qu'il y avait en toi, elle t'a jeté au rebut. Pleure tes illusions de 20 ans, pleure tes croyances, ta foi, ton ardeur, ta générosité, ton dévouement, ta poésie a jamais disparu. Pleure l'amour, mais ne pleure pas la maîtresse. Tu n'as jamais aimé. Je ne te dirai pas, j'ai aimé autant que toi et j'étais trompé aussi cruellement que toi, car seules, elles sont infinies, les joies et les souffrances que nous avons éprouvées. Cependant, j'ai aimé assez pour parler de l'amour et pour juger les femmes. L'amour, je l'aime et l'aimerai jusqu'à la mort. Les femmes, c'est une autre histoire. Les poètes en ont fait des créatures idéales et séraphiques, des anges, des fleurs surtout, avec toutes les beautés, toutes les grâces, tous les parfums de la création. Les poètes ont eu raison. Mais tiens, là, sur la crête de ce fossé, il y a, parmi les herbes, une myriade de fleurs plus gracieuses les unes que les autres. Rien n'est plus doux à voir. Ton esprit en est réjoui et tu voudrais toujours en jouir, n'est-ce pas ? Eh bien, fais-en un bouquet. Prends au hasard ou choisis, porte-les dans ta chambre, pose-les délicatement sur le plus précieux de tes meubles et dors tranquille. Leurs parfums embaumeront ton sommeil et le matin, leurs corolles devront éblouir tes yeux. Mais pendant la nuit, elles t'auront si bien embaumé, ces fleurs pleines de grâce, que ni le matin ni jamais tu ne te réveilleras plus. Voilà les femmes. Moi qui te parle, j'ai été empoisonné de cette manière. Cependant, j'avais choisi une triste petite fleur, poussée sur le haut d'une muraille parisienne, une pauvre giroflée chétive et humble. Heureusement pour moi, j'avais la vie plus dure que la fleur, c'est ce qui m'a sauvé. C'est égal, je m'endormais et il était temps de casser le carreau. Si je te la contais, l'histoire de la giroflée des murailles, tu verrais qu'elle est la même que celle de la belladone et de la pomme épineuse. Toutes, le plus magnifiquement du monde, versent le poison dans la nature. C'est leur mission. Pourquoi toi, que je n'ai jamais vu sérieusement amoureux, ne parles-tu de l'amour qu'avec amertume et des femmes qu'avec mépris ? Que t'ont-elles fait ? Ce qu'elles t'ont fait à toi-même, à moitié tuée, elles m'ont fait incrédule quand j'aurais pu rester simple et bon. Je vais te le dire ce qu'elles m'ont fait, et si l'exemple d'autrui peut servir à quelque chose, tu verras comment on se console et ce que coûte un peu de talent. Allons jusque là-bas, à la croisée des deux routes, nous nous coucherons à l'abri des pommiers en fleurs. Lorsque j'entrai à l'atelier Glorian, j'avais 17 ans, et je venais de perdre mon père. Tu sais que je ne suis pas le fils d'un prince, je ne te parlerai pas de ma haute naissance. Mon père avait commencé la vie comme ouvrier mécanicien. Après de dures années, il s'était établi, sa maison n'avait point prospéré, et il était redevenu ouvrier. Pour toute fortune, il me laissa une éducation faite aux écoles de la ville, un petit mobilier et un capital de 3 000 francs qui nous venait de ma mère, morte sans que je l'aie jamais connue. 3 000 francs pour attendre la gloire pendant 8 ou 10 ans, c'était peu. J'avais bien un oncle fermier en Picardie qui m'offrait de me prendre chez lui et de me traiter comme ses autres garçons, mais je refusais, je voulais être peintre. Ce caprice ou cette vocation, le mot est à ton choix, m'avait été inspiré par un brave homme de voisin, peintre de portraits, qui, me voyant jouer souvent dans la cour commune, m'avait pris une fois pour lui poser un petit tambour de la République dans un fameux tableau de bataille auquel il travaillait depuis 10 ans et dont il parlait depuis 20. Je lui avais plu, j'étais retourné souvent le voir, lavant ses brosses, nettoyant sa palette, faisant ses commissions dans le quartier, et il avait fini par m'apprendre un peu de dessin, très peu d'italien et beaucoup de calembours. Lorsqu'il me vit bien décidé, après la mort de mon père, à essayer de la peinture, il eut pitié de moi. « Je vais te donner une lettre pour Glorian, me dit-il. Il s'occupe de ses élèves, et j'espère qu'à ma demande, il voudra bien te recevoir sans exiger de contribution. » La recommandation de mon vieil ami fut bien accueillie, et Glorian me dit, assez gracieusement, que je pourrais aller travailler avec lui tout le temps que je voudrais, sans rien payer. Son atelier était alors dans toute sa splendeur. Il n'y avait pas moins de 60 élèves inscrits. 5 ou 6 travaillaient sérieusement, les autres étaient de beaux fils de famille, qui se donnaient le luxe de la peinture pour passer quelques années à Paris, et cacher leur nullité sous le nom d'artiste. J'entrai à l'atelier, comme on va au feu pour la première fois, c'est-à-dire avec un mélange de joie, de peur et d'orgueil. J'étais gauche et bêtement vêtu, on se moqua de moi. Bientôt on sut, par le massier, que je ne payais rien, et l'on me méprisa. Ces messieurs n'avaient point oublié leur collège et les boursiers. Je devins leur bête noire. On me fit toutes les charges connues, on réédita les anciennes, on en inventa de nouvelles. Pendant un an, j'ai passé plus de nuits à pleurer qu'à dormir. À la fin, je me consolais en me répétant sans cesse qu'un jour j'aurai plus de talent que tous et je piochais ferme. Quand le modèle était parti, j'allais travailler au Louvre et aux estampes, et le soir, de 6 à 10 heures, à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Cela dura ainsi pendant 4 ans. Pendant ces 4 années, je n'avais dépensé que 2 000 francs, aussi n'étais-je pas précisément gras. Mais chose plus importante, j'étais un des préférés du patron, et presque toutes les semaines, outre mon étude, je lui montrais une esquisse, peinte dans sa manière, que j'avais assez bien attrapée. J'étais aussi devenu un des anciens, car pour ce qu'on voulait apprendre chez nous, on ne restait pas longtemps. Je commençais enfin à me trouver assez heureux, je croyais à l'avenir. Un jour du mois de mars, c'est ici que tu dois redoubler d'attention, un jour du mois de mars, nous étions tous à travailler, chantant, fumant, disant des niaiseries. Le modèle était sur la table, et le poêle, rouge jusqu'à moitié du tuyau, ronflait. Au dehors, il faisait un vent froid. Une jeune fille entra. « Qui demandez-vous ? » dit celui d'entre nous qui se trouvait le plus près de la porte. Tous, nous levâmes les yeux, croyant que c'était une maîtresse qui venait chercher son amant, et curieux de savoir à qui elle allait s'adresser. La jeune fille balbutia quelques mots que nous n'entendîmes pas, et celui qui l'avait arrêtée lui répondit en désignant le massier. Elle s'avança timidement au milieu des chevalets et des chaises. « Messieurs, dit le massier, mademoiselle demande à poser ici. »« Faut la voir, » dirent quelques voix. La jeune fille parut ne pas comprendre. « Vous n'avez pas encore posé, » continua le massier. « Non, monsieur, ça se devine. Avant de vous accepter, ces messieurs demandent à vous voir. » Elle ne répondit rien. « Est-ce que vous ne comprenez pas ?»« Mais, monsieur, mon enfant, on ne peut pas vous prendre sans vous connaître. » « Vous avez une tête très jolie, c'est vrai, mais enfin, rien ne nous dit que le reste, que diable. Ici, nous ne sommes pas des hommes. Si vous voulez poser, il faut vous déshabiller et monter sur la table. Ohé, Maria, fais place à mademoiselle, échauffe-toi un peu. » Le modèle descendit, mais la jeune fille ne bougea pas. De pâle qu'elle était en entrant, elle était devenue d'un rouge coquelicot. Enfin, elle fit quelques pas en arrière comme pour s'en aller, hésita quelques instants, puis, revenant, elle ôta son châle, dégrafa lentement sa robe, et un à un, les yeux à terre, elle défit tous ses vêtements. Par hasard, j'étais près d'elle. Pour l'aider à monter sur la table, je lui donnai la main. Et les bras croisés, sur ses seins, la tête baissée, les lèvres frémissantes, elle resta debout au milieu de 30 regards qui l'étudiaient et la critiquaient. « Rien d'arrêté, » disaient les uns, « pas de méplats, » disaient les autres, « les bras trop courts, la tête trop grosse. » Pour moi, je la trouvais ravissante. Elle avait 16 ans à peine. Ses cheveux étaient d'un blond paille. Ses yeux bleus avaient des cils longs et épais. La forme de la tête était d'un ovale parfait. Le corps jeune, frais, ferme et rose, comme je n'en avais jamais vu. Elle descendit. « Comment vous appelez-vous ? » dit le massier. « Pascaline. »« Eh bien, mademoiselle Pascaline, vous pourrez venir la semaine prochaine, lundi, à 8 heures. » Elle se rhabilla. Sa toilette ne fut pas longue. Une petite robe d'indienne, un châle et un seul jupon. Mais, chose à laquelle nous n'étions guère habitués, du linge blanc. Elle sortit en nous remerciant. En voilà une qui faisait sa tête pour se déshabiller, dit le modèle en reprenant la pose. J'ai cru qu'elle avait une maladie ou une peau d'animal sur le corps. Tu n'as donc jamais eu de pudeur, toi, dit un des anciens. Le lundi suivant, pour choisir une bonne place, j'arrivai le premier. J'étais en train d'écrire mon nom sous le tableau quand Pascaline entra. Elle alla au poêle et sécha ses pieds mouillés. Je m'approchai d'elle, et quoique je n'en eusse pas besoin, je me chauffai aussi. Alors, levant les yeux sur moi, « Monsieur, me dit-elle d'une voix fraîche et douce, est-ce que vous voudriez bien être assez bon pour me dire ce que je vais avoir à faire ?»« C'est assez simple, mademoiselle. Il faudra vous tenir immobile dans la pose qu'on vous donnera. Comme l'autre jour, ne vous effrayez pas, lui dis-je le plus doucement possible, et je me mis à lui débiter que l'art était chaste, que nous ne la verrions qu'au travers de l'art, enfin toutes les blagues de l'esthétique la plus pure et la plus transcendante. On entra. Je me tus aussitôt et me mis à préparer ma toile. Petit à petit, on arriva. Quand tout le monde eut choisi sa place, on commença à travailler. J'étais sur le premier rang, juste en face de Pascaline. On lui avait la poitrine bombée, donné une pose gracieuse mais atroce. Debout, le corps un peu cambré, les bras croisés par-dessus la tête. La pauvre enfant avait accepté, mais il n'y avait pas 10 minutes qu'elle était en place, qu'elle avait déjà remué 20 fois, et de tous les côtés ça avait été un concert de cris et de rappels plus ou moins doucement accentués. « Vous perdez la pose. Ne remuez donc pas. Levez un peu la tête. Ne laissez pas tomber votre bras. » La pauvre petite tâchait d'obéir à tout le monde, mais elle commençait à ne plus savoir à qui répondre. Ses yeux étaient gros de larmes retenues. J'en eus pitié. « La pose est impossible, » dis-je avec assez de douceur, mais en même temps avec fermeté. « Martel est amoureux du modèle. Martel veut faire le modèle. Ah bah, Martel !» Sans me déconcerter. « Voyons, voulez-vous perdre la séance, oui ou non? Si vous ne voulez pas, laissez-moi la poser. »« Non, non, oui, oui, mon esquisse est à moitié faite, etc. » Deux ou trois anciens vinrent à mon secours. Je lui donnai une pose facile à garder, assise sur un tabouret que j'avais recouvert de ma blouse, les membres dans une position appuyée, la tête tournée vers ma place. En lui prenant les bras nus, je les sentais froids et tremblants. Tout le sang s'était arrêté au cœur, elle ne savait ce qu'elle faisait. On recommença. Elle ne me quittait pas des yeux. Suppliante et reconnaissante à la fois, elle me demandait conseil et appui. Je l'encourageais, je la soutenais, et sans qu'elle osât me sourire, je voyais un doux merci dans son regard. Cela marcha à peu près bien. Au déjeuner, il y eut un plus long repos. Les uns s'en allèrent au restaurant, les autres, et j'étais de ces autres, restèrent à manger leur pain autour du poêle. Pascaline, entortillée dans son châle, était au milieu de nous. Deux ou trois élèves lui parlaient, et doucement elle répondait. Comme elle ne mangeait pas, et que je ne voyais point qu'elle n'eût rien apporté, je lui offris la moitié de mon pain. Elle refusa d'abord, puis elle finit par accepter. À midi, le patron arriva. Pascaline lui plut. Il la trouva jolie et lui fit quelques compliments. Il y eut une réaction dans tout l'atelier. Mes beaux camarades, qui l'avaient négligée parce qu'elle n'avait pas de chic, se mirent à la déclarer charmante et à l'entourer. Le patron avait parlé. Cet empressement subit me flatta peu, mais comme en partant ce fut à moi qu'elle donna son dernier sourire, je me consolai vite, et tout en m'en allant au Louvre, j'étais si heureux que je bousculais tout le monde dans le ruisseau. À nous regarder ainsi, les yeux dans les yeux, l'amour m'était descendu au cœur. Le lendemain, elle n'était plus la triste abandonnée de la veille. On lui offrait des pastilles, de la pâtisserie, enfin toutes les séductions en usage dans l'atelier. Mais toujours ses yeux étaient sur mes yeux, et il me semblait qu'une douce chaleur passait de l'un à l'autre. Au déjeuner, malgré le cercle qui l'entourait, malgré les gâteaux qu'on lui offrait, elle vint à moi, et de sa voix presque caressante. « Monsieur Martel, est-ce que vous n'avez pas trop de pain aujourd'hui ?» Jamais je n'avais ressenti pareille émotion. Ces simples paroles me bouleversèrent. Je partageai mon pain avec elle, et elle le grignota gentiment. « Voilà les femmes, mon cher Maurice. Qu'elles nous aiment, elles partagent joyeusement notre pain sec. Qu'elles ne nous aiment plus, elles refusent notre pâtisserie pour aller demander un morceau de pain sec à notre voisin. » Je fus pris tout entier, je ne pensais plus qu'à Pascaline. Mais je n'étais pas pleinement heureux, car je ne savais comment lui dire mon amour, comment elle l'accueillerait. Et j'avais encore la crainte de bientôt la perdre, puisque le lundi suivant, comme à l'ordinaire, devait venir un autre modèle. Avec une hardiesse dont je m'étonne encore, je trouvais moyen de parer à ce danger. C'était de commencer, d'après elle, un sujet, et de la prier de venir poser chez moi. Timidement, je fis ma demande. Naïvement, elle l'accepta. Quand on le sut dans l'atelier, ce fut une explosion générale. Je fus unanimement accusé d'attentat à la morale publique, et quelques camarades, qui avaient eu la même intention que moi, et que j'avais prévenu, déclarèrent mon procédé ignoble, et en cachette, ils la demandèrent pour la semaine suivante. Elle vint chez moi. Tu comprends que là, il ne pouvait être question d'une pause d'atelier. Je l'aimais. Je commençai donc une étude de tête, mais en réalité, je ne travaillais guère, et mes yeux furent plus souvent sur le modèle que sur la toile. Je m'arrêtais à chaque minute, et c'était elle-même qui me rappelait à l'ordre. Elle me conta son histoire. Abandonnée par son mari, sa mère était devenue la maîtresse d'un tailleur qui bientôt les avait battues toutes les deux. Quand elle avait eu 16 ans, il avait voulu la vendre à un de leurs voisins. Elle s'était sauvée chez une de ses amies plus âgées qu'elle, qui posait chez les photographes et qui souvent lui avait offert son lit et sa chambre si jamais elle avait besoin d'un asile. Bientôt il lui avait fallu se sauver encore pour des raisons qu'elle ne me dit pas, mais que je devinais facilement à sa rougeur. C'était alors qu'elle était venue à notre atelier comme dernier refuge. Toute la journée, nous restions ensemble, nous dînions et nous déjeunions ensemble, et le soir, je la reconduisais au garni qu'elle avait loué dans une maison borgne de la Barrière Blanche. Chaque jour, je voulais parler. Chaque soir, je la quittais sans avoir osé lui rien dire. Le dimanche arriva, et la pensée qu'elle allait me quitter et que d'autres l'attendaient me donna du courage, je parlais. Et ce soir-là, ni les autres soirs, elle ne retourna plus à la Barrière Blanche. Tu as été aimé? Juge de mon bonheur par le tien. Il était le même, puisqu'alors je n'en imaginais pas, et que depuis je n'en ai point rêvé d'autre qui fût aussi grand, aussi profond. D'ailleurs, ce n'est pas pour te parler de mes joies, mais pour te dire ce qu'il en advint que je te fais ce récit. Pascaline était l'enfance même, naïve et joyeuse. Tout lui causait étonnamment du plaisir. Mon logement était misérable. Elle voulut le ranger, l'épousseter, le nettoyer, et elle joua au ménage comme une petite fille. Un rien la mettait en fête. Une boîte d'épingles la ravissait. Quand je lui apportais son premier chapeau, un chapeau qui coûtait 10 francs, ce fut une explosion de contentement et de reconnaissance. Ah, mon ami, qu'elle était charmante avec ce petit chapeau et sa couronne de bleuets se mariant à ses cheveux blonds. Depuis mes amours, je ne paraissais presque plus à l'atelier. J'y courais seulement 1 heure, pendant que Pascaline restait encore couchée, et vite je revenais la rejoindre pour déjeuner avec elle sur notre lit. Quand il faisait beau, nous partions pour la campagne. Nous allions à Chaville ou dans le bois de Meudon. Comme une biche échappée, Pascaline courait et sautait au milieu des herbes. C'était de longues chasses après les papillons, de rudes escalades pour les nids des oiseaux. Je n'avais pas encore vu la nature. Je la vis alors pour la première fois à travers mon amour. Souvent aussi, nous nous en allions à pied jusqu'à Puteaux. Je connaissais dans l'île un pêcheur et sa femme. Je les hélais du rivage. Ils venaient nous chercher dans leur bachot, et nous passions la journée avec eux. Ils nous avaient fait des lignes, à Pascaline et à moi. Et à l'abri du soleil, sous de grands saules argentés qui tombaient dans la Seine, nous essayions de pêcher. Bientôt l'impatience nous gagnait. Nous nous asseyions sur le gazon feutré de longues herbes. Elle venait sur mes genoux. Nous nous embrassions, nous causions tendrement, et nous nous embrassions encore. Puis je tirais un livre de ma poche et lui lisais quelques pages. Je lui refaisais, ou plutôt je lui faisais une petite éducation. Je ne la voulais pas savante, mais je lui parlais des maîtres du cœur et de l'esprit. Je lui apprenais tout doucement à ne pas dire des yeux de sphinx, des attitudes de lynx, une voix de centaure, un charcutier, et je m'en rappelle pour je m'en souviens. Je lui apprenais aussi à ne pas découper les huîtres à la fourchette et au couteau, comme un beefsteak ou une aile de poulet. Et je réussissais assez bien. La femme, je t'assure, est très facile à vernir. Ça n'est pas solide, mais ça brille presque tout de suite. Cela dura 5 mois, 5 mois de bonheur sans un nuage, mais un jour, en fouillant dans le tiroir à l'argent, je le trouvais presque vide. De mes derniers 1000 francs, il ne restait plus que quelques louis. En 5 mois, à nous deux, nous avions autant dépensé que moi seul en 2 ans. C'était assez désagréable. Dans ma présomption, je crus que ce n'était point irrémédiable. Hélas, que je me trompais. J'en savais assez pour ne pas mourir de faim. Je trouvais à moitié prix quelques boîtes d'illustration et des petits modèles pour les fondeurs. Pascaline aussi voulut travailler. Elle savait un peu coudre, elle était proprement vêtue, elle entra chez une couturière. Nous ne nous voyions plus que le soir, et pour aller à la campagne, nous n'avions que le dimanche, mais nous étions encore heureux puisque nous nous aimions. La grande préoccupation de Pascaline avait toujours été la toilette. Mais depuis que nous ne pouvions plus satisfaire ses désirs, cette préoccupation était devenue de plus en plus vive. Quand, maintenant, nous sortions le soir, c'était des stations et des admirations éternelles devant les magasins, et le matin, quand elle s'habillait, C'étaient des plaintes et des soupirs mal étouffés. Elle se fâchait contre sa robe qui s'éraillait, contre son chapeau qui se défraîchissait. Elle se dépitait contre notre glace qui était trop petite. Montant sur une chaise, elle s'attifait et se ballonnait avec des chatteries et des mines qui m'auraient fait bien rire si elle ne m'avait pas affligé, car je souffrais de la voir ainsi, et plus encore de ne pouvoir pas la contenter. Hélas, c'était bien impossible, et même c'était difficilement qu'à nous deux nous gagnions assez pour manger. Cependant, comme je ne voyais dans ses symptômes que les mauvaises influences de ses camarades, je me rassurais et me consolais. Il y avait un mois que ces tiraillements m'inquiétaient, quand tout à coup ils cessèrent. Je retrouvais ma Pascaline d'autrefois, la Pascaline toujours rieuse, toujours tranquille, toujours contente. En même temps, je remarquais un peu plus de recherche dans sa toilette. Elle s'acheta une robe, et comme elle me voyait surpris, elle m'expliqua que grâce à ses progrès, grâce surtout à son activité, elle gagnait davantage, et que d'ailleurs, c'était une occasion qui lui avait été procurée par sa maîtresse. J'avais confiance, je la crus. Un samedi, c'était, autant que je me le rappelle, 3 semaines après cet entretien, elle me quitta plus tendrement que de coutume, elle m'embrassa à plusieurs reprises, revint pour m'embrasser encore, et me dit de n'être point inquiet si elle ne rentrait pas le soir, qu'ayant beaucoup à travailler, elle passerait peut-être la nuit, comme cela lui était déjà arrivé. Je n'eus pas le plus petit soupçon, je savais qu'elle rentrerait le dimanche, dans la matinée. Toute la journée du dimanche s'écoula sans que je la visse. N'y pouvant plus tenir, j'allai le soir à son magasin. Il était fermé. Où était-elle? Le lendemain matin, dès 6 heures, j'y retournais. À 8 heures seulement, je pus parler à la maîtresse. Depuis un mois, Pascaline ne travaillait plus chez elle et aucune des ouvrières ne savait ce qu'elle était devenue. Je revins chez moi. Il me semblait que ma tête était ouverte et que ma raison s'en allait. Chez moi, il n'y avait personne. Machinalement, je me dirigeai vers l'atelier. Je m'assis à ma place, j'ouvris ma boîte, je pris mes brosses, puis quand je voulus me mettre à travailler, je poussai un cri et tombai raide à la renverse. J'ai su depuis qu'on m'avait porté chez moi et que j'ai été resté 3 jours dans le délire. Quand je revins à la raison, j'étais dans une des grandes salles de la charité. J'avais une fièvre cérébrale. J'y demeurai 45 jours. Enfin, je pus rentrer chez moi. J'étais guéri de corps, mais le cœur. Peu à peu, je repris mon travail, mais je n'étais plus ce que j'avais été autrefois. Avec le bonheur s'en était allée la pureté, la bonté, j'étais un homme. Mon premier soin avait été de chercher Pascaline, et je n'avais rien pu apprendre. Alors j'étais tombé dans un morne chagrin qui, à la longue, m'avait rendu à moitié stupide et tout à fait indifférent à ce qui m'entourait. J'étais ainsi perdu dans mes regrets, lorsqu'un matin, à l'atelier, je trouvai la femme qui posait quand Pascaline était venue pour la première fois. Ce fut par elle que j'appris comment j'avais été trompé. Voici ce qui s'était passé. Pendant le dernier mois de nos amours, au lieu d'aller chez sa maîtresse, comme elle me le disait, Pascaline, entraînée par son besoin de gagner de l'argent pour sa toilette, avait été posée chez un photographe où l'on fabrique ses groupes pour le stéréoscope, que la police saisit quand elle les trouve, mais que le plus souvent, les étrangers payent très cher et recherchent avidement. Elle avait été amenée là par une de ses camarades d'atelier. On lui avait bientôt fait les propositions les plus tentantes pour la vanité d'une pauvre fille, et gagnée par le luxe, elle était partie pour l'Italie avec un jeune Anglais. Je la croyais jamais perdue, et sans m'en consoler, je trouvais dans cette pensée, que je ne la reverrais plus, un certain soulagement. Il me semblait presque que j'étais guéri. Je fus trop tôt détrompé. Je reçus une lettre de Pascaline, elle était à Paris et demandait à me voir. En lisant cette lettre, je compris seulement combien je l'aimais encore. Ce fut précisément cet amour et la certitude où j'étais qu'il me serait impossible de la revoir sans la reprendre et de faire ainsi notre malheur à tous deux qui me donna la force de ne pas lui répondre. Elle m'écrivit de nouveau, me demanda pardon et me dit que si je ne voulais point aller à son rendez-vous, ce serait elle qui viendrait chez moi. Pendant 15 jours, je ne rentrais pas, et par ce sacrifice qui peut-être me fut plus cruel que ne l'avait été son abandon, je me crus sauvé. Mais un matin, je la trouvai à l'atelier, elle venait poser. Te dire ce que j'éprouvais à sa vue est impossible. Il me sembla que j'étais repris de ma fièvre. Je la regardai le plus bravement que je pus, mais elle n'était plus celle que j'avais aimée. Ses yeux étaient plus hardis, sa démarche était plus facile, son geste plus gracieux. Elle tordait ses cheveux d'une façon provocante, Ses épaules s'étaient arrondies, son sein était plus large et plus gonflé, sa voix était moins pure et moins fraîche. On voulut la placer. « Oh, c'est inutile, » dit-elle. En un tour de main, elle défit ses vêtements, qui étaient d'une richesse insolente. Sans aide, elle monta sur la table et nous regardant tous. « Est-ce bien ainsi ? » dit-elle. C'était la même pose que la première fois. Ses yeux dans mes yeux. Était-ce un défi ou une prière ? J'eus l'amour-propre de ne pas reculer, et je me fis le serment de ne point rencontrer son regard. Mais ce fut impossible, il me brûlait, il m'attirait, il relevait ma paupière. Nos yeux se rencontraient et mon cœur bondissait. Je me sentis trop faible. Au repos, je changeai de place. Si elle avait commencé par la prière, ce fut d'alors et bien décidément un défi. Tu sais combien nous sommes libres entre nous. Elle dépassa encore cette liberté. Plus charmante qu'elle n'avait jamais été, on s'empressait autour d'elle, et à tous elle répondait. Je la voyais causant, riant, se laissant prendre dans les bras, s'asseyant sur les genoux de ceux qui l'attiraient. Quand elle sortit, je la vis monter dans une petite voiture qui l'attendait à la porte. Ce n'était donc pas le besoin qui l'avait ramenée à l'atelier, c'était l'amour ou la vengeance. Pendant la semaine entière, ce fut ainsi. Je souffrais toutes les douleurs de la jalousie. Cependant, j'allais chaque jour à l'atelier, je trouvais un cruel plaisir à la voir. Mais je te le répète, ce fut atroce, et je n'imagine pas qu'il puisse y avoir des tortures aussi horribles que celles que pendant ces 8 jours j'endurais. Enfin, elle partit sans que nous eussions échangé un seul mot, et je retombai dans mon abattement. Je tremblais à chaque instant de la trouver chez moi, mais elle ne vint pas, et pendant 6 mois, je n'entendis point parler d'elle. Je croyais que c'était bien fini, et cependant, ça ne l'était pas. Un soir, en rentrant, j'aperçus une femme sur mon carré. C'était Pascaline. Je voulus descendre, elle m'arrêta. « Si tu m'as aimé, » dit-elle, « aie pitié de moi. » Sa voix faible et à peine distincte m'effraya. J'entrai, elle me suivit. Elle était pâle, maigre, ses yeux étaient caves, ses pommettes saillantes, sa robe de soie noire était déchirée et tachée. « Je viens à toi, » dit-elle en s'asseyant, « parce qu'il n'y a que toi qui m'as aimé et parce que tu es aussi le seul que j'ai aimé. Il paraît que je suis malade de la poitrine et que je n'en ai plus que pour peu de temps. Alors, quand je l'ai su, j'ai voulu te revoir une dernière fois et te demander un service. C'est que tu me promets de venir réclamer mon corps. On dit qu'on coupe ceux qui ne sont point réclamés et j'ai peur de ça. Peut-être bien que c'est bête, enfin j'en ai peur, et si tu voulais me le promettre, je serais plus tranquille. » Je me détournai pour cacher mes larmes, car en la voyant, et plus encore en l'écoutant, j'avais été pris d'une immense pitié. « Allons, ma pauvre enfant, » lui dis-je, en essayant de rendre ma voix calme, « tu n'es pas aussi malade que tu crois. »« Si, je ne peux plus monter les escaliers, je tousse toutes les nuits, et puis j'ai le fond des mains et la plante des pieds qui me brûlent toujours, et ça, on dit que c'est très mauvais signe. » « Alors il ne faut pas t'en aller, reste ici, on te soignera. C'est impossible. Je te remercie bien tout de même, mais je ne peux pas. Si je ne t'avais pas quitté, ce serait bon, mais maintenant. Et puis, tu ne pourrais pas, vois-tu. Ça durera peut-être encore longtemps. Tu ne travaillerais plus. Enfin, ça coûte cher. » J'insistais, elle se défendit longtemps, elle finit par céder. « Couche-toi, » lui dis-je, « et toi, moi je serai bien pour cette nuit dans mon fauteuil. Oh non, je ne veux pas. Je sais bien que nous ne pouvons plus être ensemble comme autrefois. Au moins, prends un matelas. » Malgré moi, elle me fit un lit. Quand le jour parut, j'allai chercher un médecin. Elle avait réellement une phtisie confirmée. Mais à force de soins, entourée de bien-être et de tranquillité, elle éprouva rapidement un peu de mieux. La toux diminua, la respiration devint plus facile. Elle était pour moi pleine de douceur et de reconnaissance, et nous vivions presque comme au premier jour, avec cette différence cependant, que tous deux nous évitions ce qui pouvait rappeler le passé et nous reporter au temps de notre bonheur. Après 1 mois de soins, le mal paraissait enrayé. Elle allait, elle rongeait et redevenait fraîche. Ses yeux seuls conservaient un éclat brûlant. Mais si physiquement elle ne souffrait plus, moralement nous souffrions tous les deux, car tous les deux nous nous aimions encore, et tous les deux nous vivions dans une gêne perpétuelle, elle par crainte, moi par un geste d'orgueil. Une nuit que je dormais, je fus éveillé par une haleine chaude qui courait sur mon front. J'ouvris les yeux, je vis Pascaline penchée sur moi. « Qu'as-tu ? » lui dis-je en sursaut. « Oh, rien !» répondit-elle en se relevant. « Je voulais voir si tu dormais. » Mais bientôt, revenant vers moi, « Eh bien, » continua-t-elle, « ce n'est pas la vérité. Je venais t'embrasser. et te remercier pendant que tu dormais. Toutes les nuits, je viens comme ça. Je me mets à genoux près de toi. Je prie le bon Dieu que tu me pardonnes avant que je meure et je t'embrasse tout doucement. » Je la pris dans mes bras. Tout fut oublié. Le matin, elle voulut acheter une petite robe pareille à celle qu'elle mettait autrefois. Elle se coiffa comme elle se coiffait autrefois. Elle prit un petit chapeau avec des bleuets et, comme autrefois encore, nous retournâmes à la campagne. Ce ne fut pas pour longtemps. Un soir, elle gagna froid. Le lendemain, tous les symptômes de sa maladie reparurent plus violents, et 8 jours après, elle était morte, morte dans mes bras, en me bénissant et en me demandant encore pardon. À cet endroit de son récit, Marcel s'arrêta, puis se levant. Il se mit à marcher à grands pas sous les pommiers, qui, doucement agités par la brise, jonchaient la terre de leurs fleurs odorantes. Enfin, un peu plus calme, il revint vers Maurice. Je restai tout seul à la veillée. Et tout seul aussi, je la conduisis au cimetière, car par orgueil, pour ne pas avouer que j'avais pardonné, je n'invitais aucun de mes camarades. En rentrant chez moi, en me retrouvant dans ma chambre déserte, en revoyant le lit où ma chère petite morte avait laissé son empreinte moulée, je me jetai sur ce lit, et éclatant en sanglots, je baisai la place où se voyait encore la forme de sa tête bien-aimée. Bientôt, je me mis à boire. J'entrai chez un marchand de vin, et d'un seul coup, j'avalai un grand verre tout plein d'absinthe. Alors seulement je pouvais dormir. Après 6 mois de cette vie, j'étais moins guéri que le premier jour. Je sentais que ma tête se creusait, et il ne me fallait plus qu'un seul petit verre. Alors je ne sais comment cela se fit, mais je pensai à mon oncle. Je vendis le peu que j'avais, et j'allai chez lui. Pendant 1 année, je travaillai à la terre comme le plus dur des paysans. J'étais infatigable, je devins habile. Je fendai un sillon aussi droit que le meilleur charretier. Et je mettais 400 bottes de foin sur une voiture avec une solidité et une régularité qui me valaient d'unanimes compliments. J'étais un fameux gars. Au bout de cette longue année, je n'étais pas consolé, mais j'étais calmé. Je pus reprendre mes brosses et mes toiles. J'avais vu la nature au travers du bonheur, je l'avais vue au travers de la peine. Elle m'avait parlé. J'avais entendu et compris sa grande voix. Je connaissais ses joies, ses douleurs, ses mystères. Je tâchais de les traduire. Elle devait être désormais ma seule maîtresse. Je l'aimais de tout mon cœur. J'y travaillais pendant 3 ans. Alors, croyant être quelqu'un, je revins à Paris. Je présentai 6 tableaux à l'exposition. On en reçut 2. Un seul critique me fit l'honneur de s'occuper de moi et se donna la peine de me comprendre. Il était inconnu et comme lui aussi, je fus inconnu. Je persévérais. À la seconde exposition, on ne me reçut 1 toile. Il y avait progrès. À la 3e, on me les refusa toutes. Mais alors mon critique s'était fait un nom avec un superbe roman, il se fâcha, me consacra 2 articles, et ses confrères et le public apprirent qu'il y avait un nommé Martel. Maintenant, c'est assez généralement connu, et quoiqu'on discute beaucoup mes tableaux, on continue à les acheter assez peu. On attend que je sois mort pour les payer. Aussi comprendrais-je que tu te tuasses si tu étais à ma place. Ton œuvre y gagnerait. Mais puisque tu n'as pas d'œuvre, à quoi ça te servirait-il? Attends un peu. » Pendant 2 jours, les 2 amis ne parlèrent que de Pascaline. On la compara à Marguerite. On rechercha celle qui avait été la plus coupable, celui qui avait été le plus malheureux. « Enfin, tu t'es consolé, » disait Maurice. « Tu te consoleras, » répondait Martel. L'histoire de Martel lui avait fait du bien. Elle avait donné un aliment à son esprit, fourni matière à leurs entretiens, et même, dans la pensée qu'un autre avait souffert comme lui, il trouvait presque une sorte de consolation. Mais ce qui était véritablement incurable, c'était son idée fixe de revoir Marguerite. « Il y a dans David Copperfield, » répondait Martel à bout d'argument, « un brave homme de pêcheur à qui on a enlevé sa nièce et qui, tout bonnement, sans savoir où elle est, s'en va à sa poursuite en France, en Allemagne, en Italie, et qui finit par la retrouver. C'est très poétique. Mais je te ferai remarquer, premièrement, que cette idée ne peut être acceptée que par les Anglais, qui, considérant le monde entier comme la banlieue de Londres, s'en vont à Pékin comme nous allons à Ville d'Avray. Deuxièmement, que pour entreprendre un pareil voyage, il nous faudrait beaucoup d'argent. Or, ce n'est pas notre côté le plus brillant. Si tu crois pouvoir gagner la nourriture et le foyer en chantant tes balades sur le grand chemin, partons aux pourchasses de ta belle. Je ne demande pas mieux. Ça aura même une couleur Moyen-Âge, d'un ragoût crânement artistique. Mais si tu ne le crois pas, allons tout doucement. Un soir, que dans une grande auberge du pays d'Auge ils attendaient leur dîner, Maurice, qui machinalement avait pris un journal, poussa tout à coup un cri de surprise et tendant le journal à Martel. « Tiens !» dit-il, « là, lis, lis ça !» On nous mande de l'anilis. À l'heure où je vous écris, le feu brûle encore sous les décombres, et comme je vous le disais hier, plus de la moitié du village est détruite. C'est pour nous une perte à jamais irréparable, mais il faut espérer que la Providence et la charité publique ne nous abandonneront pas. Déjà, avant son départ, M. le sous-préfet a laissé une somme de 1 000 francs pour les premiers besoins, et M. le comte de l'anilis, qu'on est certain de rencontrer quand il y a du bien à faire, a généreusement offert un asile aux malheureux qui, sans son dévouement, n'auraient point aujourd'hui de toit pour s'abriter. Madame la comtesse, arrivée seulement depuis quelques jours, s'est elle-même empressée de seconder les efforts de son époux, et nous l'avons vue nous-mêmes porter des secours et des consolations. À peine connue dans le pays, elle est déjà une bienfaitrice et une mère. P.S. Outre la perte matérielle, on a à déplorer la mort de 2 habitants, une femme et son enfant. 34 têtes de vache ont aussi été brûlées. « Eh bien, » dit Martel, « nous partons. Tu vois, elle est à l'anilis. » Martel voulut recommencer ses observations. Il lui fallut céder. En 1 minute, son œuvre fut détruite. Le danger qu'il avait écarté avec tant de mal et de soin menaça de nouveau. Ils arrivèrent promptement à Saint-Brieuc, où ils trouvèrent une correspondance pour Lannion. Il n'avait pas fait 1 lieue que dans la voiture on commença à parler de l'incendie. On dit que Madame de l'Analyse s'est montrée pleine de dévouement, essaya Maurice. Elle vient même de retourner à Paris pour organiser une loterie, en prétend qu'avant 1 mois elle reviendra avec plus de 15 000 francs. Maurice resta stupide. Puis, quand on descendit de voiture à Lannion, « Nous allons à Plorac, » dit-il, « nous attendrons son retour chez M. Michon. » En apprenant que Maurice venait passer 1 mois avec lui, M. Michon l'embrassa de tout son cœur, et comme Armande et Audrenne entraient en ce moment même, « Bonne nouvelle, mes enfants » s'écria-t-il, « Maurice nous arrive pour 1 mois. Embrassez-le pour le remercier. »« Mademoiselle, » dit Maurice en souriant, « on n'arrive qu'une fois. » Et des lèvres, il effleura le front de la jeune fille, rouge et confuse. Puis, assez embarrassé lui-même, il se retourna vers Audrenne. Celui-ci le regardait d'une façon si étrange, hautaine et curieuse à la fois, qu'il s'arrêta. Pendant 1 mois, dit Audrenne d'un ton cérémonieux, nous aurons le temps, M. Berthaud et moi, de nous connaître. Je l'embrasserai plus sincèrement à son départ que je ne pourrais le faire aujourd'hui. Et il toucha à peine du bout des doigts la main que Maurice lui tendait. Il y eut un moment d'étonnement et de silence, mais le docteur reprenant presque aussitôt. « Va donc chercher ton frère, » dit-il à Audrenne, « et reviens avec lui. Je vais faire prévenir l'abbé, nous dînons tous ensemble. » Puis, quand Audrenne fut sortie, « Il ne faut pas lui en vouloir, » continua-t-il, « il est un peu ours, mais au fond c'est un excellent cœur. » « Dans tous les cas, » dit Martel, « c'est un type superbe. Il porte écrit sur son visage tous les nobles instincts. »